bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir pour ce nouveau Mardi de l'espace qui est organisé comme à chaque fois par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, c'est l'Agence Française de l'Espace, et par l'association Bar des Sciences Paris. On a les twittos qui sont là, qui vont raconter ce qui se passe ce soir, nos débats, qui vont le raconter sur Twitter. Et vous-même, si vous voulez contribuer au débat qui va avoir lieu sur Twitter à propos du sujet de ce soir, n'hésitez pas à le faire. C'est avec le hashtag KnessTweetUp, pour ceux qui connaissent le hashtag KnessTweetUp. Les satellites au service de la défense, c'est le sujet de ce soir. Et oui, vous le savez bien, on a des appareils qui nous survolent et pour certains d'entre eux qui réalisent des observations de plus en plus précises, de plus en plus pointues dans le visible, dans l'infrarouge, dans le domaine du radar également, des satellites pour assurer des télécommunications au service de la défense, des télécommunications éventuellement cryptées. Certains de ces systèmes peuvent aussi localiser des radars. Par exemple, détecter des missiles au décollage, c'est également possible depuis l'espace, et j'en passe. Et la France n'est pas en reste. Elle est présente dans à peu près tous les domaines de la défense qui sont assurés par des satellites. Et voilà, encore il y a 2 semaines, un satellite qui a été lancé avec succès, c'est Athena Fidus, un satellite franco-italien qui permet d'assurer des télécommunications à très haut débit, pour la défense, mais aussi pour certains besoins civils, comme la sécurité civile, par exemple. Alors ce soir, eh bien avec vous, avec vos questions, avec vos interventions, eh bien on va pouvoir, par exemple, faire un tour d'horizon des capacités françaises en matière de satellites de défense. On va peut-être éventuellement mesurer les progrès techniques qui sont réalisés dans ce domaine. On pourra voir éventuellement la manière dont se décide, dont se développe un programme de défense spatiale. Donc, avec vos questions et avec nos deux intervenants. Alors, attention, ce soir, vous l'avez compris, ce sont des sujets dont habituellement on parle assez peu, parce qu'il y a une part de secret évidente et relativement importante. Raison de plus pour accueillir avec encore plus d'applaudissements nos deux intervenants. C'est le général de Roquefeuille et le général Arnaud. Merci infiniment, messieurs, d'être avec nous ce soir. Général Henri de Roquefeuille, général Yves Arnaud, est-ce que vous voudriez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Alors, celui qui n'est pas en uniforme. Bon, vous êtes venu en uniforme de ville. Je suis en uniforme de ville parce que je suis comme général Arnaud, un ancien, enfin lui c'est un nouveau, enfin un actuel de l'armée de l'air. Moi je suis un ancien de l'armée de l'air. Et j'ai fait toute une carrière dans l'armée de l'air que j'ai quittée il y a 4 ans et demi. Et puis, dans ma carrière de l'armée de l'air, j'ai fait beaucoup de planification. Ça veut dire que j'ai beaucoup préparé des projets, autant pour l'armée de l'air que pour toute la défense, y compris préparation pour les bateaux, pour les véhicules blindés, pour les satellites aussi. Après ma carrière militaire, eh bien, le CNES m'a proposé de travailler pour lui. Pour lui et pour la défense. Ça veut dire que je suis en interface entre le CNES et la défense. Pour préparer justement, pour préparer l'avenir, pour aider la défense et aider le CNES à préparer les capacités dont la défense aura besoin dans les années à venir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc depuis 4 ans et demi, je suis à la conseiller militaire du président du CNES et je suis également coordinateur d'une équipe défense qui regroupe des personnes de l'état-major des armées, de la direction générale de l'armement et du CNES, sur lesquels on travaille justement au sujet de la préparation de l'avenir. Alors, général de Roquefeuille, vous êtes donc l'homme de la défense au CNES. Oui, absolument. Comme le général Arnaud est l'homme de l'espace à la défense. À la défense, voilà, on peut dire ça. Général Arnaud. Bien, bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis effectivement le général Arnaud. Je commande le commandement interarmées de l'espace. Eh bien, que j'ai créé d'ailleurs en 2010. Donc ça fait 4 ans que je suis à sa tête. Le commandement interarmé de l'espace. De quoi est-ce qu'il retourne ? C'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un organisme interarmé qui est placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Interarmées, ça veut dire que chez vous, on croise des aviateurs, des personnes de l'armée de terre et de la marine. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois pour toutes les armées, l'armée de l'air, la marine ou l'armée de terre, et au sein du commandement interarmé de l'espace, j'ai des officiers, des sous-officiers qui sont issus de ces trois armées. Et nous sommes en charge d'abord de proposer la contribution des armées à la politique spatiale nationale et puis de mettre en œuvre cette politique au travers de l'emploi, de la coordination des moyens, de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire les programmes spatiaux qui intéressent la défense, et puis ce que j'appelle la maîtrise de l'environnement spatial, qui consiste pour nous à nous garantir une liberté d'accès à l'espace et une liberté d'utilisation de l'espace. Voilà. Et avant de commander le commandement interarmé de l'espace, j'ai une carrière dans l'armée de l'air, essentiellement, comme pilote de chasse, comme le général de Roquefeuille, comme pilote d'essai. J'ai une carrière partie opérationnelle assez tournée vers le vol. Une partie de carrière également tournée vers les programmes, comme le général de Roquefeuille. J'ai commandé l'équipe de Marc Rafale, à une époque où le Rafale était en essai en vol. C'est pour ça que j'avais fait l'école des pilotes d'essai. Et puis une carrière également d'état-major, un peu tournée vers les relations internationales, vers la coopération avec différents pays. Alors, on va évoquer ce soir des sujets qui, pour certains, ont certaines chapes de secret, mais on va le faire éventuellement en chanson, parfois, avec Raphaël, qui est là aussi parmi nous. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Oui, ben j'ai étudié le thème de ce soir et recherché une chanson d'introduction. Alors d'habitude, j'ai tendance à changer un peu les paroles, mais là, c'est une chanson de 1980 que ceux qui sont nés comme moi autour de 1979 ont pu entendre dans leur premier jour. Donc c'est sur le thème. Je vais la chanter en intégralité parce que souvent les gens ne connaissent que le début. XOR, le shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. XOR, sur la Terre, il est comme toi et moi. XOR, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR, ne crains rien, il nous protégera. Homme ou robot, il change de peau. Quand de l'espace vient la menace, il joue sa vie. Ses amis, il se bat. XOR, le shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. Ses ennemis ont bien compris que lui vivant, ils seront perdants. Et il attaque et il le traque sans répit. Sur son roller sky, il livre bataille. À coups de laser, il défend la Terre. Seul contre tous, il les repousse, les Cérex. Alors oui, les Cérex, c'est les ennemis de XOR, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas la série télé connaissent pas XOR. Il y en a qui connaissent XOR ici ? Oui, voilà. Il y en a certains. Oui, ils n'osent pas lever la main. Si vous ne connaissez pas le refrain, c'est simple, hein, vous pouvez chanter XOR, avec moi. Comme ça, non ? XOR, le shérif de l'espace. XOR, son domaine, ouais. C'est notre galaxie. La Terre, il est comme toi et moi. XOR, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XOR, ne crains rien, il nous protégera. XOR. Bravo, Raphaël. Merci à toi. Alors nous avons deux shérifs de l'espace alors ce soir. En tout cas, voilà. Alors je commençais en disant qu'on allait évoquer des sujets qui est entouré, pour certains d'entre eux, par une certaine chape de secret. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation du CNES ce soir ? Parce que vous nous avez garanti que nous ne serions pas obligés de chanter d'abord et de divulguer des informations classifiées après. Ah voilà, c'est ça. Mais ça, c'est votre responsabilité, là. Non, nous, on pose des questions, ensuite vous faites les réponses que vous voulez. Général de Roquefeuille, voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, l'habitude de participer à des opérations de communication où on a le grand public comme ça et qui vient vous poser des questions librement ? Ouais, je crois, comme disait le général Arnaud, il y a de toute façon possibilité de parler des choses sans aller divulguer des secrets. Et puis, il y a un autre aspect, et je pense qu'on y reviendra sûrement au cours de la soirée, c'est la dualité. Ça veut dire que quand on traite des problèmes de l'espace pour la défense, énormément de techniques, de technologies sont exploitées à la fois pour la défense et pour le civil. Donc on arrive parfaitement à évoquer ces sujets sans divulguer de secrets. Un des premiers exemples, vous parliez tout à l'heure de l'observation, les satellites d'observation civils et les satellites d'observation militaires sont basés sur les mêmes technologies, les mêmes récepteurs, les mêmes miroirs. Alors, pour la défense, on va plus loin en termes de technologie. On essaye plus de performance, mais les technologies sont les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut très bien en parler ce soir. Et puis, au-delà, c'est également pour ça que le CNES a cette responsabilité. Parce que le CNES, qui est donc l'agence spatiale, qui est responsable de la politique de l'espace de la France et qui est responsable de promouvoir les technologies et les industries françaises, travaille aussi bien pour les projets commerciaux, éventuellement à l'export, que pour les projets de la défense. Et général Arnaud, est-ce que vous avez l'impression que les satellites font aujourd'hui partie intégrante de la panoplie à la disposition des armées pour obtenir du renseignement, pour bien agir, etc. Oui, bien sûr. Non seulement ils sont partie prenante, mais je dirais que ce sont des éléments essentiels dans la conduite de nos opérations ou dans l'anticipation stratégique des opérations. Notre métier, c'est d'apporter les moyens nécessaires à nos autorités civiles, politiques ou militaires pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Et puis c'est également leur apporter à nos forces qui sont engagées sur tous les théâtres d'opération des capacités qui accroissent leur efficacité et également qui contribuent à leur sécurité. Donc tous ces moyens sont essentiels. Ce sont des contributeurs essentiels à ces missions. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne conduirait pas nos opérations et on ne serait pas capable de les conduire, on ne serait pas capable de décider comment les conduire sans les capacités spatiales. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire, dans ces dernières années ou décennies, où il y a une sorte de bascule qui s'est faite ou... Parce que j'imagine, moi je me mets à la place d'un militaire, je suis de l'armée de terre ou je ne sais où, mais il y a un budget qui est celui de la défense, et ensuite, d'un seul coup, on dit, maintenant, il y a en plus quelqu'un d'autre qui va falloir effectivement financer, c'est les satellites, etc. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on raisonne, mais enfin bon, quand même, ça ne doit pas être évident. Sauf qu'il y a un moment où le satellite, il s'impose parce qu'on voit bien l'intérêt incroyable qu'il représente en matière de renseignement et de défense. Donc quand est-ce que la bascule s'est faite, s'il y a une bascule à un moment donné ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bascule. La bascule s'est faite naturellement au fur et à mesure qu'on a développé des capacités techniques qui ont permis d'atteindre des performances intéressantes. Alors c'est quand ça ? Quand est-ce que... Alors globalement, au début, si on parle d'observation spatiale, les usages défense pour l'observation spatiale étaient assez dédiés à une utilisation stratégique, notamment pour acquérir des informations sur des zones qui intéressaient la dissuasion. Donc on avait une utilisation des satellites d'observation essentiellement tournée vers la dissuasion. On disposait à Donc l'époque... Ça veut dire quoi alors ? Je regarde qui... L'intérêt de l'espace... Ouais. C'est que c'est une zone qui n'appartient à personne. Oui, quand je suis dans l'espace en tant que satellite... Quand on est dans l'espace en tant que satellite, il n'y a pas d'espace réservé. On a le droit de survoler tout le globe en toute liberté, en toute légalité. C'est légal. Contrairement au survol aérien, où chaque nation, chaque pays dispose d'un espace aérien réservé, non permissif, et qu'il est interdit de pénétrer sans autorisation. Je vais peut-être essayer de traduire en termes encore plus clairs, si tu veux bien. Ah, moi, j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est-à-dire que la dissuasion, au départ, les images étaient prises pour savoir quelles étaient les cibles des vecteurs de la dissuasion. C'est-à-dire où on allait envoyer les bombes atomiques pour parler clairement. Okay, voilà. D'accord. Donc, c'est ça que ça voulait dire. Et donc, c'était parce qu'on n'avait pas beaucoup d'images. Et parce qu'on en avait besoin pour faire des plans de frappe. Donc c'était ça que voulait dire le général Arnaud. Et à l'époque, on disposait de performances qui étaient largement supérieures à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc ils ne permettaient pas d'avoir une utilisation plus tactique. On a des performances largement supérieures que ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. À l'époque, on a aujourd'hui, des performances, une résolution largement supérieure. Voilà. Et donc des performances largement inférieures à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'était suffisant à l'époque pour définir des objectifs qui correspondaient à la dissuasion nucléaire. Et puis progressivement, avec les technologies modernes qui sont apparues, on a amélioré ces performances. On a amélioré la résolution des images. On est capable, on pourra au cours de la soirée vous montrer quelques exemples de prises de vue. On est capable d'utiliser ces images par satellite pour désigner des objectifs extrêmement précis, pour aider les forces à cibler les bons objectifs, pour cibler l'environnement de ces objectifs. Et donc l'utilisation qui auparavant était essentiellement stratégique dédiée à la dissuasion, progressivement est rentrée dans l'usage commun des forces, à la fois en préparation de mission, en exécution de mission, et puis pour essayer d'estimer les dommages effectués lors des frappes. Alors, est-ce qu'on peut justement regarder quelques exemples de ce qu'on peut faire? Général Arnaud, vous avez apporté des documents. Alors, ils sont en nombre restreint. C'est voulu, parce qu'il faut les restituer à la fin, d'accord? Alors, vous allez pouvoir les regarder. On en a 6 pour l'ensemble de... Des tables, voilà, ne vous disputez pas, il va falloir les faire circuler. Voilà, donc là j'en ai mis 3, n'est-ce pas ? Voilà, là, vous avez 3 de ce côté-là. Alors on va les regarder dans l'ordre si vous voulez bien, mais on ne va pas tout regarder parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas pendant que les autres regardent. Alors on peut peut-être regarder la première page si vous voulez bien, Général Arnaud. Là, voilà, c'est des exemples de ce qu'on peut faire avec des satellites. Donc on va regarder la première page. Détecter sur de larges zones. Est-ce que vous voulez bien nous commenter cette image, Général Arnaud? Eh bien, cette première image illustre ce que je viens de dire. Auparavant, on avait des satellites, donc toujours en nombre restreint, avec des performances assez limitées, et qui n'étaient capables, donc en orbite basse, sur un passage au-dessus d'un théâtre, de ne prendre qu'une seule vue, une seule photo. Alors, ce qu'on voit sur l'image, parce que tout le monde ne la voit pas, hélas, sur le côté gauche, on a effectivement un pays qui est la Syrie. Et c'est la première image. Première image, effectivement, je vous ai donné une illustration sur une zone d'intérêt de la défense, qui est la Syrie. Donc, comme je le disais, avec des systèmes anciens, on était capable de prendre une seule photographie sur la zone. Aujourd'hui, avec un système moderne comme Pléiade, donc nous disposons de 2 satellites duo à usage dual, comme le disait le général de Rotzeuil. Deux satellites Pléiade qui disposent d'une résolution d'environ 70 à 50 cm. On est capable, sur une seule passe, de prendre une vingtaine de photos. Alors c'est ce qui est illustré là sur la gauche. On voit qu'on passe au-dessus de la Syrie avec le satellite Pléiade et on voit effectivement sur la gauche de la trajectoire tout un ensemble de petits carrés rouges. Ben, ça, ce sont les photos qui ont été prises en une seule passe. Tout à fait. Voilà. Et ceci est lié à la performance du satellite, qui est extrêmement agile, alors qu'un satellite ancien comme Helios a beaucoup de mal à bouger autour de son centre de gravité. Le satellite Pléiade est extrêmement agile, et donc sur une seule passe, il va tourner autour de son centre de gravité et pouvoir prendre différentes prises de vue sur une seule passe. Un satellite agile, ça veut dire qu'il est capable de... tourner sur lui-même. Oui, si effectivement, l'amélioration de la performance, c'est ce que dit le général Arnaud, c'est l'agilité. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable, très rapidement, de fixer un point et de se stabiliser. Il faut savoir donc que ces satellites qui sont en orbite basse, ceux qui prennent des... on ne va pas faire des cours d'orbitographie. C'est quand même important de savoir que des satellites d'observation, ils tournent aux alentours de 600 à 800 km au-dessus de la Terre. Alors que les satellites de télécommunication sont, eux, à 36 000 km. Donc, ils tournent à entre 600 et 800 km au-dessus de la Terre. Pour avoir une bonne résolution... il faut qu'il soit capable de fixer avec une précision de 5 cm. Ça veut dire, vous vous imaginez, vous êtes à Marseille, vous fixez la tour Eiffel Et vous avez sur la tour Eiffel une précision de 5 cm dans votre visée. Ouais, c'est ça. Donc, à 800 km de là. Il faut être parfaitement stable. Alors, il faut être parfaitement stable. Et sauf qu'on va très vite, quand même. En plus, on va vite parce qu'on va à 8 km par seconde. 8 km par seconde. On va à 8 km par seconde. Et puis, autre élément qui a fait qu'on arrive à avoir beaucoup plus d'images en passant sur un théâtre, c'est qu'on a amélioré la qualité des récepteurs. Ça veut dire que pour pouvoir marquer, entre guillemets, la pellicule, mais maintenant c'est plus une pellicule, bien sûr, mais pour pouvoir marquer l'image, il faut que vous récupériez des photons qui vous donnent les images. Et pour avoir suffisamment d'informations, il faut que vous ayez de l'information. Et donc, aujourd'hui, les récepteurs sont beaucoup plus sensibles, donc on arrive à rester moins longtemps fixé sur la scène. D'où cette capacité, comme disait le général Arnaud, en fait, on multiplie par 10 le nombre d'images entre la génération Helios 2, donc qui est une génération des années 95-2000, à la génération Pléiade, qui est de la génération 2010. Très bien. Merci beaucoup. On va reparler d'orbitographie, parce que quand même, il faudra revenir parler des satellites géostationnaires aussi, à un moment donné. Donc, on voit effectivement sur la gauche le satellite Pléiade qui bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre, là, par exemple, il y a Deir ez-Zor, hein, n'est-ce pas ? Oui, ben, c'est le nom du site en Syrie qui avait été pris. Donc, c'est juste pour illustrer une des petites images que vous voyez sur la gauche du transparent, de la photo. Et vous voyez à peu près la résolution qu'on est capable d'obtenir avec un satellite Pléiade. Donc, sur une zone urbaine, des images qui font entre 50 et 70 centimètres. Avec ou sans bulle, votre eau gazeuse, votre eau générale Arnaud ? Peu importe. Peu importe. Avec ou sans bulle. Je ne suis pas sectaire. On n'est pas sectaire. Voilà. Voilà. Donc, avec un satellite comme ça... Rappelez-nous Pléiade. Donc, on voit avec Pléiade, c'est tout récent. Hein, ça a été lancé il y a 2 ans, si je ne m'abuse. 2012 pour le dernier. 2011. 2011 et 2012. 2011 et 2012, voilà. Donc, deux satellites. Quelle résolution au sol ? 70 cm de résolution. Avec après pré-traitement, on obtient 50 cm. 50 cm, d'accord. Et donc c'est un satellite qui fait une passe. Il peut prendre 900 images dans une journée, c'est quoi ? Oui, c'est ça. 900 images dans une journée. Enfin, le système. Les deux systèmes, 50 chacun. Voilà. Et donc la défense qui a contribué financièrement au financement de ces satellites Pléiade a obtenu ou a demandé ou a obtenu, je ne sais pas comment dire, quel contrat ils ont obtenu la priorité sur la programmation, parce que avoir beaucoup d'images est important, mais les avoir là où on veut, c'est encore mieux. Donc ça veut dire que quand vous faites une programmation tous les jours, vous dites voilà où je veux avoir mes images. Donc la défense est partenaire de Spot Image, qui a la délégation de service public pour vendre le reste des images, mais c'est la défense qui fixe ses priorités. Ça veut dire qu'en ce moment, si jamais Spot Image veut vendre des images de la Syrie, il n'y a pas grand-chose en stock, hein, je vous préviens tout de suite. Donc si vous voulez acheter des images de la Syrie, attendez un petit peu. Et donc ces premières sont prises par la défense. Donc ce qui lui permet d'avoir une bonne complémentarité avec le satellite Helios, qui lui a une meilleure résolution. On en arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, comment parler sans se trahir des secrets, elle a une meilleure résolution. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Pléiade, autant c'est un système dual qui sert aussi bien aux civils que pour des besoins militaires, alors que Helios, là ce sont aussi deux satellites qui sont plus anciens, et qui, pour le coup, eux, sont vraiment des satellites spécifiquement dédiés aux questions de défense. Et donc là, on a un secret qui est encore plus important. Enfin, qui est même... Oui. Alors, les satellites Helios sont effectivement dédiés au domaine militaire, parce qu'ils disposent d'une résolution effectivement meilleure, et une résolution donc, qui est inférieure à 50 cm. Et cette résolution est réservée à un usage gouvernemental. C'est-à-dire qu'on ne vend pas aujourd'hui dans le public des images meilleures, d'une résolution meilleure que 50 cm. Donc c'est pour cela que les deux satellites Helios, dont le dernier a été lancé, Helios 2B, a été lancé en 2009, est un satellite purement gouvernemental, réservé à un usage gouvernemental, donc en particulier militaire. Mais alors, Hélios, si je ne me trompe pas, n'a pas l'agilité de Pléiade, et donc ne peut pas tourner sur lui-même, prendre des images sur la gauche, puis sur la droite, et a aussi ne peut pas prendre autant d'images dans la journée que Pléiade. Tout à fait, puisque c'est un système d'une génération antérieure, donc la résolution est meilleure. En revanche, il ne dispose pas de couleur, de prise de vue en couleur. Il est moins agile, donc il a moins de capacité de prise de vue sur une seule passe. Bon, en revanche, il a des capacités, donc outre la résolution, il a des capacités de prise de vue en infrarouge qui permettent de faire des prises de vue de nuit. C'est le moment d'expliquer l'infrarouge, puisque vous avez... Ah oui, absolument. Voilà, juste avant ça, vous avez eu sur vos tables une feuille volante comme ça. Ben voilà, c'est Pléiade, hein, que vous pouvez voir. Pléiade. Oui, justement, oui. La photo de Pléiade est intéressante parce que vous voyez que la structure du satellite est très regroupée. Oui. Et donc, elle est très centrée autour de son centre de gravité, justement. Ce qui lui donne une très bonne agilité. Et ça a été construit dans ce sens. Et cette caractéristique, et donc cette structure... C'est très compact. C'est compact. On commence par mettre le télescope au milieu, et autour, on met la structure. C'est un télescope. Sauf qu'on le met à l'envers. Ouais. Il est tourné vers le sol. Et on a, enfin, justement, dans la suite... Parce qu'on avait donc Hélios, et on est en train de préparer avec la Défense la suite des programmes Hélios. Et donc, dans cette composante spatiale optique de la génération suivante, on a repris cette idée d'agilité. Donc on a reconstruit un satellite qui est construit autour de son télescope, avec donc un centre de gravité qui est très proche du milieu et donc qui donnera cette grande agilité. Alors, vous avez vu donc Pléiade, hein, bien sûr. Et alors, vous avez eu aussi un petit livret comme ceci, avec plusieurs pages. Et si vous tournez la première page, vous allez tomber sur Hélios. Voilà, Hélios. Alors, comment est-ce qu'on explique, si on regarde Hélios et si on regarde Pléiade, les deux n'ont pas la même forme. C'est lié effectivement au fait qu'on voulait pouvoir facilement tourner ou faire basculer le satellite autour de son centre de gravité. Exactement, ouais. Oui. D'accord. Parfait. Donc tout s'explique. Ce qui ne se voit pas également sur les images, c'est que le satellite Hélios, c'est un gros satellite qui fait à peu près 4 tonnes. Ah oui. Pléiade, c'est un petit satellite qui fait 1 tonne. Parce que bien évidemment, quand on veut faire de la très haute résolution, on est obligé de mettre un gros télescope, une grosse optique. Donc ça prend de la place et ça pèse lourd. Par ailleurs, quand on a un satellite à usage gouvernemental, on cherche à faire on cherche à faire en sorte qu'il dure quand même suffisamment longtemps pour rentabiliser l'investissement. Donc, on introduit de la redondance pour améliorer la fiabilité du système. C'est-à-dire que les systèmes sont redondés, sont là en double, oui, hein, pour assurer au cas où l'un tombe en panne. Exactement. Et par ailleurs, comme je le disais, Hélios, un système de détection par infrarouge. Pour pouvoir avec Hélios, on est dans le visible et dans l'infrarouge. Tout à fait. Dans les deux. Dans les deux. Et donc, pour la prise de vue infrarouge, on a des détecteurs infrarouges. Et pour avoir de la bonne performance en détecteur infrarouge, il faut refroidir les détecteurs. Donc, avoir une centrale qui permet de ce refroidissement. Et tout ça pèse du poids. Il faut un gros réfrigérateur extrêmement performant. Il faut un gros satellite. D'où la différence entre Hélios qui fait 4 tonnes et un satellite Pléiade qui fait 1 tonne. Alors je vous propose de passer à une page suivante du livret qui a été fourni par Général Arnaud. Est-ce que vous voulez bien faire tourner un tout petit peu que ceux qui ont déjà vu la première image puissent la passer, enfin bref, etc. Je vous laisse vous débrouiller entre vous, donc faire passer ce livret. Et on passe donc à la deuxième page qui s'intitule « Reconnaître, identifier ». On voit à gauche Hélios et à droite CSO Musis. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer également ce qu'on fait. Donc avec Pléiade, on fait des photos sur de très larges zones. Avec des satellites comme Hélios ou comme son successeur qui s'appelle CSO Musis. Alors Musis, c'est le nom du programme. CSO, c'est ce qu'on appelle la composante spatiale optique du programme Musis. Donc le satellite lui-même s'appelle CSO. Le satellite lui-même s'appelle CSO. D'accord. Tout à fait. C'est le programme d'ensemble qui s'appelle Musis. Il n'est pas encore lancé. Quand est-ce qu'il Alors, la réalisation est en cours. Oui. Le premier lancement, là, il y aura deux satellites au minimum qui seront fabriqués. Donc deux satellites quasi identiques. Un premier qui sera lancé en 2017 et un deuxième qui serait lancé en 2018. Je dis qu'ils seront quasiment identiques en termes de fabrication. En revanche, ils seront positionnés sur deux orbites différentes à deux altitudes différentes. Un sera un peu plus bas que l'autre, et comme il est plus près de la Terre, il aura une meilleure résolution. Astuce. Donc, ces deux satellites, sur les deux satellites, il y en aura un qui fera de la reconnaissance. C'était un peu l'objet également de cette planche. Avec un satellite de très haute résolution, on fait de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est capable de dire si un objet est un avion, un véhicule, un camion. Et avec le satellite qui est placé plus bas, avec une meilleure résolution, il sera donc dans l'extrêmement haute résolution, donc bien moins que 50 cm. Vous voyez que je ne peux pas vous dire les résolutions exactes, mais il sera bien moins que 50 cm. Donc on sera capable de faire de l'identification, c'est-à-dire dire quel type de camion c'est, ou quel type de véhicule c'est, ou quel type d'avion c'est. Général de Roquefeuille. Oui, alors c'est vrai que c'est important. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas mis tous les deux en bas basse altitude, avoir de l'identification. La seule chose, c'est que plus vous êtes bas, plus le pinceau que vous pouvez balayer sur le sol est étroit. C'est exactement comme un projecteur que vous mettez sur le mur. Plus vous êtes près du mur, plus votre image est petite. Donc ça veut dire que vous avez une capacité de revisite. Ça veut dire le nombre de jours qu'il faut d'attendre avant de pouvoir revoir le même point, une capacité de revisite qui est moindre. Ça veut dire qu'au lieu de pouvoir revenir, de revoir le même point tous les deux jours, ben vous êtes obligé d'attendre tous les trois ou quatre jours. Et donc, pour la défense, c'est important cette capacité de revisite. D'où ce mélange avec un satellite qui est haut et qui offre la capacité de revisite, et un satellite qui est bas et qui donne une bonne précision dans l'identification. Et puis, deuxième élément, plus vous êtes bas, plus le satellite est freiné, parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'air, il y a quand même un tout petit peu, plus on est bas, plus il y en a, et ben donc ça veut dire qu'il faudra le propulser plus régulièrement. Il faut le réorbiter, il faut rehausser son orbite. Il faut le remonter de temps en temps. Ouais, exactement. Et donc ça coûte des ergols, ça coûte du carburant. Ça coûte du carburant, enfin, on va appeler ça du carburant pour faire rapide. C'est si vous allez à la station-service du coin, c'est pas exactement ce qu'on met dans les satellites. Le propergol, c'est le terme générique, propergol. Exactement, ouais. Alors, revenons à notre planche. Donc, à gauche, Hélios, et on voit deux images, une en haut, une en bas. Et CSO, en fait, on reconnaît les deux mêmes images, n'est-ce pas? En fait, il y a une sorte de miroir entre le côté gauche Hélios et le côté droit CSO. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que CSO sera le successeur d'Hélios. Tout à fait. Donc, ce sont des satellites qui seront lancés en 2017-2018, comme je le dis. Donc, ils bénéficient d'une technologie meilleure que celle des satellites Hélios, dont le dernier a été lancé en 2009. Et donc, dont les performances seront bien meilleures, à la fois en termes de résolution et également en termes d'agilité, puisqu'on bénéficiera sur CSO Musis d'une agilité voisine de celle dont on dispose aujourd'hui sur Pléiade. Et également, ces satellites, en extrêmement haute résolution, en très haute résolution, bénéficieront de la couleur, ce dont on ne dispose pas aujourd'hui sur Hélios. Avec Hélios, on prend des images en noir et blanc. Tout à fait. D'accord. Avec CSO, on aura de la couleur. Donc, est-ce qu'on peut commenter, là, par exemple, donc on a quatre, donc, on a Hélios à gauche, CSO à droite. Alors là, vous avez quatre images. En fait, il y a une seule scène où on voit donc un avion sur une place et puis des véhicules en dessous à droite, avec un petit focus sur ces véhicules. Donc, en dessous. Alors, restons sur l'avion. Donc, avec Hélios, je vois effectivement. Donc, on voit un avion. Il est en noir et blanc. Il est un peu petit. On peut deviner à peu près quel type d'avion c'est, mais on n'est pas capable vraiment de l'identifier. Avec le futur système, bien, on voit très clairement que c'est un Mirage F1. On voit même son camouflage. Ah, c'est chez nous alors? Pas forcément. Pas forcément. On en a vendu quelques-uns. On a vendu quelques Mirage F1 à l'exportation quand même. Et puis donc les véhicules, et c'est là qu'on voit la différence en termes de résolution entre ce qu'on fait. Donc ce sont les voitures. On voit que ce sont des voitures à gauche. À droite, on est presque capable d'identifier le type de véhicule. Ah oui, là, on voit le modèle, ouais. Voilà. D'accord, donc on voit vraiment la différence. Notre planète Terre est pleine de propriétaires. Il y a trop de frontières au sol. Heureusement, l'espace n'est à personne. L'espace n'est à personne. Écoutez le bip-bip des satellites qui résonnent et naviguent sans limite. Les eaux navigables ne sont pas toutes internationales. Idem pour la flore et la faune. Heureusement, l'espace n'est à personne. L'espace n'est à personne. Et écoutez le bip-bip des satellites qui résonnent et naviguent sans limite. Si les récepteurs sensibles de Météosat ou Jason peuvent observer des choses invisibles, c'est que l'espace n'est à personne. Everybody, l'espace n'est à personne. Écoutez le bip-bip des satellites qui résonnent et naviguent sans limite. L'espace n'est à personne. Écoutez le bip-bip des satellites qui résonnent et naviguent. Je corrigerai quand même, l'espace est à tout le monde. Ah, pas mal. Il est à tout le monde, et on pourra en parler tout à l'heure. C'est également un sujet, mais c'est vrai que personne ne peut le revendiquer, mais il est à tout le monde. Bah, je l'avais écrit, alors. Oui, là, il va falloir que tu trouves des rimes en onde, hein, excuse-nous, avec onde, par exemple. Oui, pas mal. Ok, très bien. Alors voilà, on a lancé le sujet, mais vous avez compris qu'il est absolument gigantesque. On a encore plein de pages à voir, on a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés. On a encore parlé quasiment que de satellites d'observation, avec Helios, avec Pléiade, avec CSO, mais il y a encore plein de choses dont on peut parler. Qui voudrait, je vais prendre le micro si vous voulez bien, mon général, qui voudrait se lancer et commencer à discuter avec le général de Roquefeuille ou le général Arnaud? Bonjour monsieur. J'ai une question concernant la durée de vie de ces satellites, compte tenu de leur capacité en ergol et de la capacité à refroidir les CCD. Les CCD sont les petites cellules qu'on utilise dans les caméras. Alors, la durée de vie pour les satellites d'observation, la génération Helios, elle était spécifiée pour 5 ans. Ça veut dire qu'on avait demandé à un industriel de s'engager pour 5 ans pour après le lancement. Alors, il se trouve que les Helios 1, la première génération, il y en a un qui a duré 5 ans et quelques jours. Et le deuxième, il a duré 14 ans et 9 mois. Donc, si vous voulez, il y a la difficulté pour ces satellites, c'est qu'une fois qu'ils sont lancés, on ne peut pas les dépanner. Le seul dépannage qu'on peut faire, c'est en termes de logiciel. C'est qu'on monte des commandes pour essayer d'organiser un peu différemment son fonctionnement. Mais s'il y a une panne, eh bien, le matériel en panne est perdu. D'où les redondances dont parlait le général Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que les éléments critiques, les composants critiques sont doublés. Et on double les circuits, ce qui permet ensuite, justement, par des ordres montés par radio, de dire au satellite, bah, maintenant, va chercher le deuxième capteur ou à prendre le troisième amplificateur pour le faire durer le plus longtemps possible. Mais à des moments, il y a quand même des choses qui font que ça s'arrête. L'ergol, donc le carburant, est en gros une des dernières choses pour la durée de vie du satellite. Ça, c'était les satellites en basse altitude, les satellites, ce qu'on appelle LEO, Low Earth Orbit. En revanche, les satellites en géostationnaire, eux, sont spécifiés habituellement pour 15 ans. Que ce soit les satellites commerciaux, que ceux qu'utilisent des opérateurs comme Eutelsat ou SES ou Intelsat, ou les satellites militaires. Et donc, c'est 15 ans. Et là, c'est souvent l'ergol qui termine, quand même. Parce que au bout d'un certain temps, ils sont juste la capacité. Et donc, ils font ensuite la possibilité de les monter au-dessus de la... Mais là, on arrive sur les affaires de surveillance de l'espace et d'encombrement de l'espace. Les satellites de télécommunication, comme je disais tout à l'heure, ils sont sur des orbites géostationnaires. À 36 000 km d'altitude. À peu près 36 000 km. La caractéristique de cette orbite, c'est que le satellite fait le tour de la Terre en 24 heures à la même vitesse que la Terre autour d'elle-même. Ça veut dire que le satellite a une position apparente stable par rapport à un point. Et donc, toutes ces positions sont répertoriées et sont attribuées. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer n'importe où, n'importe comment. C'est l'Organisation internationale... C'est très demandé, évidemment, ces positions. Bien évidemment, et c'est l'Organisation internationale des transmissions qui gère ces positions-là. Qui attribue telle position à exactement. Tel satellite. Mais ça veut dire que quand un satellite n'est plus opérationnel, ne peut plus rien émettre, ben il faut le sortir de cette position. Et on le monte... Donc il faut garder un petit peu de propergol hein, pour... il faut garder, exactement. Sur une orbite cimetière. Sur l'orbite qu'on appelle cimetière. Ça veut dire que c'est là où on les fait se terminer leur vie, qui est aux alentours de 400 km au-dessus de l'orbite géostationnaire, pour être certain qu'ils ne redescendront jamais perturber ceux qui travaillent encore sur l'orbite géostationnaire. Voilà. Donc c'est ça. Réponse à votre question, c'est 5 ans. Ça va monter. C'est 7 ans pour Pléiade, et je crois qu'on l'a spécifié 10 ans pour la composante spatiale optique de MUSIS. CSO, donc. Et c'est 15 ans pour les satellites géostationnaires. Le micro est à vous. Je voulais savoir s'il y avait des parades ou des contre-mesures contre ces observations, contre ces satellites. Alors, on parle bien des observations dans le visible ou l'infrarouge, etc. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Eh bien, comme pour une observation aérienne, c'est masqué. Masquer un dispositif, masquer un objectif, ou alors attaquer directement. Par exemple, donnez-moi un objectif, donnez-moi quelque chose et la manière de le masquer. Oh ben c'est très simple. Si vous voulez masquer une activité, bien vous travaillez sous des hangars. Si vous voulez masquer un dispositif, vous mettez des avions sous hangarettes. Vous ne les sortez qu'au moment opportun pour effectuer la mission, si possible, quand il n'y a pas de satellite au-dessus. Il faut savoir, c'est ça qui est important. Même. Donc il faut effectivement... Ça suppose que je sache quand les satellites d'observation ennemis, entre guillemets, passent au-dessus de ma tête. Tout à fait. Ouais. C'est pour cela que... C'est pas donné à tous les pays, ça. Alors, ce n'est pas donné à tous les pays. Ce qui est abordable, en particulier sur Internet, ce sont les orbites de satellites non sensibles, à usage non militaire. Un spot 5, un spot satellite 5, d'observation, vous avez, etc. C'est son orbitographie disponible sur Internet. Où et quand il passe. En revanche, vous ne disposez pas sur Internet d'une orbite précise des satellites Helios à usage militaire. Enfin, oui. Ceci dit, les satellites d'observation passent toujours à la même heure au-dessus de n'importe quel point. Ils sont ce qu'on appelle héliosynchrones. Ça veut dire qu'ils ont une orbite qui est calculée pour passer toujours à la même heure. Deuxième élément, il faut qu'ils passent à une heure où il y a quand même pas mal d'éclairement pour pouvoir récupérer, ce que je vous disais tout à l'heure, suffisamment de photons pour pouvoir frapper donc les récepteurs. Donc ça veut dire qu'ils passent tous environ entre 10h et 14h locales en faisant une planche large. Donc, une fois que vous êtes sorti de cette planche large, les satellites d'observation, il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Alors, d'un autre côté, c'est une bonne question, parce que il faut savoir qui passe au-dessus de vous, c'est important, mais ça peut être important aussi, et en particulier dans le cadre de la dissuasion. Si jamais vous voulez marquer faire remarquer à votre adversaire, celui qui commence à avoir une attitude très agressive, que vous montez dans la dissuasion. Ça veut dire que vous êtes en train d'accrocher des missiles sous les avions, que vous mettez en œuvre votre force de dissuasion. Ben ça peut être intéressant de faire ça au vu et au su de tout le monde. Entre 10 ça veut et 14 dire heures. Exprès quand un de ces satellites passe au-dessus. Donc c'est un signal diplomatique que l'on peut donner avec la composante aéroportée de la dissuasion. Ça veut dire que les satellites qui sont armés sous des avions. Évidemment, les sous-marins dont l'objectif des c'est missiles, de se cacher en permanence. Missiles, des missiles armés sous les avions. Des missiles qui sont accrochés sous les avions. Donc, sur les bases qui mettent en œuvre la composante aéroportée de la dissuasion, vous faites exprès de laisser juste devant les hangarettes les missiles qui vont être accrochés. Et comme ça, vous savez que votre adversaire, c'est la dissuasion. Et pourquoi est-ce qu'il faut repasser au-dessus de chaque point à la même heure ? Ben, il faut que vous passiez, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que vous ayez suffisamment de lumière, et puis il faut que vous puissiez comparer les images d'une journée sur l'autre, et si jamais vous avez des conditions d'éclairement qui sont différentes, c'est beaucoup plus difficile de voir les différences sur le terrain, sur ce qui s'est passé. Parce que le problème, c'est les ombres. On aime ne pas avoir d'ombre sur les images qu'on prend. Il ne faut pas avoir trop d'ombre, mais il faut surtout avoir pas mal de lumière. Et oui, toujours les mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle l'orbite héliosynchrone. Hein. C'est une orbite polaire, donc on passe au-dessus des pôles. Exactement. On passe au-dessus des pôles et on a justement une orbite où ça passe à la même heure partout où ça passe. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait un risque pour les satellites, justement dans la dissuasion, etc. Est-ce que il y avait des risques de pouvoir, par une nation ennemie, décrocher un satellite, torpiller un satellite, c'est-à-dire ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un risque, les satellites ? Oui. Alors, il y a des risques naturels et puis des menaces intentionnelles. Donc, la menace naturelle. Comme le disait le général Le Roquefeuille, ce sont les débris, c'est l'encombrement de l'espace qui a fait notamment que deux satellites sont entrés en collision en orbite, un satellite Cosmos Mort russe et puis un satellite Iridium opérationnel américain qui a généré d'ailleurs encore des milliers de débris. Donc ça c'est le risque inhérent à l'encombrement de l'espace. Et aux débris. Et puis il y a des menaces intentionnelles qui peuvent être des attaques directes, cinétiques. C'est ce qui s'est produit en 2007 où, à l'occasion d'un tir d'essai chinois sur un de leurs propres satellites, les Chinois ont fait la démonstration ainsi, en tirant un missile du sol vers l'espace, qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite. Ils l'ont détruit. Hein. Ils l'ont détruit. C'était un satellite météorologique. C'était un satellite chinois. Oui, bien sûr, c'est donc, chinois. Parce qu'ils n'ont pas attaqué un satellite étranger. Oui, tant qu'à faire. Et ils ont fait la démonstration ainsi qu'ils étaient capables d'atteindre en orbite avec un missile tiré depuis le sol un satellite qui tournait en orbite. Et ça, c'était la première fois que ça se produisait. C'était la première fois que ça se produisait. Les Russes et les Américains ne l'avaient pas fait au préalable. Non. Et ce qui fait que on savait qu'ils avaient développé des missiles à cet effet, parce qu'il faut quand même des missiles tout à fait particuliers, spécifiques à cette tâche. Oui, il faut un missile qui monte suffisamment loin et qui soit capable d'atteindre en orbite avec une grande précision un objet qui tourne autour de la Terre à 8 km par seconde. Donc c'est quand même pas anodin en termes de technologie. Donc les Chinois ont fait cette démonstration en 2007. Et puis il y a une réponse du berger à la bergère. En 2008, les Américains ont fait de même sur un satellite qui était qui leur appartenait également, mais qui était plus bas, donc qui a généré beaucoup moins de débris, puisque les débris bas sont désorbités très très vite et redescendent assez rapidement du fait de la traînée résiduelle dans l'atmosphère. Ils retombent sur Terre assez rapidement. Brûlant dans l'atmosphère. Et eux, comme ils n'avaient pas d'intention belliqueuse, ils ont affirmé, et on veut les croire, que ce tir avait pour but de détruire un satellite en perdition. Ce n'était pas pour démontrer leur capacité belliqueuse d'intervenir. J'entends quelques rires à gauche, s'il vous plaît. Ils ont expliqué que c'était parce que ce satellite en question avait un réservoir avec de l'hydrazine, l'un de ses propergols, et que c'est un liquide toxique. Et donc, voilà, c'était la raison pour laquelle il avait détruit en vol, et non pas du tout pour répondre aux Chinois. C'est vrai que c'est important, cette différence d'altitude entre l'altitude de l'essai chinois et l'altitude de l'essai américain. Il faut savoir que les nuages de débris causés par l'essai antimissile chinois et par les deux satellites Cosmos et Iridium sont la cause de la moitié des débris qui tournent actuellement autour de la Terre en basse altitude. Donc c'est vraiment... Dans un cas, c'est volontaire de la part des Chinois. Dans l'autre, c'était deux satellites, deux gros satellites qui sont entrés en collision l'un avec l'autre, mais c'était fortuit. Hein. C'était fortuit. Ceci dit, depuis cet accident, les Américains ont pris des mesures beaucoup plus fortes pour garantir les évitements et partageant ces mesures avec tous les opérateurs, ça veut dire toutes les organisations qui pilotent les satellites. Donc ça veut dire que les Américains, aujourd'hui, sont en mesure, parce qu'ils suivent tout ça avec des systèmes, avec des radars notamment, et avec divers systèmes, avec évidemment des systèmes informatiques, ils sont en mesure de dire, attention, demain à telle heure, on a un risque relativement fort de collision entre ces deux satellites, donc s'il vous plaît, rehaussez l'orbite de celui-là, etc. C'est même pas demain, c'est dans 4 jours qu'ils vous disent ça. C'est-à-dire qu'ils donnent ça avec du délai, mais c'est exactement, ils suivent actuellement plus de 25 000 objets qui tournent en basse altitude. Dont un grand nombre, évidemment, ne peuvent pas être pilotés par l'homme. Hein. Les débris, personne ne les pilote. Voilà, ils tournent, c'est tout. C'est ça. En ce moment, la Station Spatiale Internationale, qui tourne aux alentours de 400 km autour de la Terre, est régulièrement obligée de manœuvrer pour pouvoir éviter des débris. Au CNES, nous sommes les opérateurs, ça veut dire que c'est nous qui pilotons les satellites gouvernementaux, en particulier les satellites de la défense. Eh bien, nous faisons en moyenne une manœuvre tous les 2 ans par satellite. Ah, par satellite, d'accord. Pour éviter les débris qui nous sont annoncés la plupart du temps par les Américains, par leur système. Une autre question. Juste une précision, c'est que les Américains, donc effectivement, ont considérablement amélioré leur système de détection et d'alerte anti-collision depuis 2009, donc depuis que s'est produit cet événement. Néanmoins, il y a des centaines de milliers de débris en orbite. Un débris peut être considéré comme létal pour un satellite à partir à peu près de 3 à 4 cm de diamètre. Donc les Américains ne détectent pas la totalité de ces débris-là. Ils répondent à une bonne partie du besoin, notamment donc les gros débris, mais il y reste encore des tas de petits débris en orbite qui sont susceptibles d'endommager au minimum, voire détruire un satellite. Parce qu'il est clair que un petit débris de 3 cm, un boulon qui est projeté à 8 km par seconde sur un satellite qui lui-même évolue à 8 km par seconde, ça fait une telle énergie cinétique que c'est capable de détruire un satellite. Pour finir sur la question qui m'était posée sur les autres menaces, donc il y a cette menace d'impact direct, et puis il peut y avoir des menaces intentionnelles de brouillage sur les télécommandes des satellites, puisqu'on est en permanence en train de leur donner des ordres. Donc il peut y avoir des brouillages sur les télécommandes montantes ou descendantes. Donc sur nos satellites militaires, on essaye de les protéger contre ça. Et puis il peut y avoir sur des satellites optiques des éblouissements laser, par laser, qui sont susceptibles éventuellement d'endommager les détecteurs. Ah, on pourrait endommager à distance les CCD, enfin les systèmes de détection. Enfin, en éclairant avec un laser, avec un laser de forte puissance, ouais. On peut éventuellement l'endommager. Bon, il faut connaître parfaitement l'orbitographie du satellite pour bien viser et endommager éventuellement. D'accord. Ça, c'est déjà produit ou on est dans l'ordre de la... Alors, on a pu voir dans la presse ouverte que les Américains s'étaient plaints de ce type d'éblouissement lorsque certains de leurs satellites passaient au-dessus de la Chine. C'est dans la presse ouverte. D'accord. Bon. Moi, j'avais plusieurs remarques ou questions, comme d'habitude, on va me dire, sur différents sujets qui viennent d'être traités. Alors déjà, pour le satellite américain qui a été, flingué, pour résumer, l'argument de la toxicité du carburant est un peu faible, parce que de toute façon, qu'on le laisse tomber ou qu'on tire dessus, tout retombe au sol dans ce cas-là. Donc, sauf à être sûr que ça a été totalement dispersé sur une surface, enfin un volume énorme, je ne suis pas sûr que la différence serait très grande. Donc, pas tout à fait, parce que en fait, quand il y a des satellites qui rentrent sur Terre, il y a énormément de pièces qui se consument en rentrant dans l'atmosphère. En revanche, il y a des pièces qu'on retrouve très régulièrement. Ce sont les réservoirs. Parce qu'ils sont conçus pour résister à des hautes pressions et à des très gros efforts. Et donc, on a déjà trouvé par terre des réservoirs. Et est-ce qu'on les retrouve, si j'ose dire, intacts, enfin étanches, ou est-ce qu'on les retrouve vides ? C'est-à-dire que ce qu'on a retrouvé, on avait ce qu'on avait passivé le satellite. Ça veut dire qu'on avait volontairement vidé totalement pour éviter que s'il y ait un choc, il y ait en plus une explosion qui multiplie le nombre de débris. L'hydrazine est explosif, notamment. Oui, c'est pas de l'eau de Cologne, quoi, c'est sûr. Ouais. C'est un peu fait pour, d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est pour ça que, je peux pas vous dire, mais en tout cas, il n'est pas du tout certain qu'il n'y ait pas de l'hydrazine qui se retrouve par terre. Donc, l'argument, il ne peut pas être balayé aussi facilement que vous le faites. D'accord. Alors, deuxième question. Un autre point là-dessus, c'était sur les satellites qui devaient prendre des images régulièrement et auxquels on pouvait exprès exposer un avion avec des missiles prêts à être embarqués, etc. Il y a une sorte de jeu de chat et de la souris dans tout ça, puisque on peut aussi imaginer qu'un pays n'ayant pas réellement de missiles mettre des missiles en carton sous un avion en sachant que ça va être... Enfin, en carton, j'exagère évidemment, que ça va être photographié, détecté, etc. Non. Faites confiance au service de renseignement. Vous ne ferez croire à personne que vous avez une force de dissuasion si vous n'en avez pas. Hein. Non, mais bien sûr. Développons sur une autre manière. Voilà. Est-ce que je peux développer, je sais pas, des chars ou que sais-je, qui ne sont pas de vrais chars, en sachant qu'ils vont être vus et en essayant comme ça de gonfler mes... C'est vrai que le général Dorockfeuille a bien évidemment raison sur la dissuasion. Maintenant, vous avez raison aussi de souligner que les systèmes satellitaires d'observation ne suffisent pas. Ils sont complémentaires des autres moyens. On ne pourrait pas réaliser toutes nos opérations avec uniquement une capacité d'observation satellitaire. Ces moyens sont complémentaires des drones, sont complémentaires des capteurs embarqués sous avion, sont complémentaires des informations qu'on peut recueillir avec du renseignement d'origine humaine, etc., etc. Donc tous ces ensembles-là servent, chacun pour leur partie, à établir un renseignement, une information nécessaire à la fois à nos autorités pour prendre leurs décisions, comme je leur disais, et nécessaire à nos forces pour réaliser leurs opérations. Et alors, j'en viens à un autre point. On parlait d'orbite héliosynchrone tout à l'heure, qui présente effectivement l'avantage d'avoir toujours le même éclairage sur un objet. Donc c'est un peu une sorte de jeu d'essai-terreur où on compare la photo d'hier avec celle d'aujourd'hui pour voir s'il y a un machin qui a été déplacé, modifié, construit, etc. Simplement, l'orbite, si elle est héliosynchrone, je veux dire, ça veut dire qu'au cours de l'année, elle va se décaler. Donc à un moment... le satellite ne passerait plus... Elle ne se décale pas. Ça serait trop compliqué. C'est un cours que je serais bien incapable de vous faire, d'ailleurs. Mais elle ne se décale pas et ça passe toujours parce que ça se décale au fur et à mesure que le tour. Et donc, ça passe toujours à la même heure sur tous les points de la Terre, d'ailleurs. Hein. Donc elle ne repasse pas 24 heures après, mais elle repasse sur l'orbite calculée pour suivre... Elle repasse... Oui, mais parce que c'est l'heure apparente, hein. Voilà. Donc, il est toujours midi là où au-dessus de l'endroit où il passe, ou une heure, ou midi et demi, ou 11h30. Mais ça ne se décale pas. Et comme la Terre tourne, en fait, l'orbite, elle est toujours vis-à-vis du Soleil au même endroit, et donc c'est la Terre qui tourne autour. Trop compliqué, j'arrête. Ouais. Non, mais en tant qu'astronome amateur, je me posais la question parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire, mais c'est pas grave. Monsieur. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous parliez du système de détection américain des déchets dans l'espace. Peut-être que vous le savez, est-ce que ce genre de système peut aussi identifier les satellites ? Et dans ce cas, les orbites top secret des satellites Helios, en fait, sont visibles par les Américains, en fait. Les orbites des satellites Helios français sont parfaitement connues par les Américains. De la même manière que, comme nous, nous disposons également de systèmes de détection spatiale, avec un radar grave qui est implanté en France et qui détecte les objets en orbite, nous sommes parfaitement au courant des orbites des satellites américains. Ce qui fait que, en bonne entente avec nos alliés américains, nous ne publions pas plus les orbites des satellites américains que les Américains publient les orbites de nos satellites français d'intérêt défense. Alors, on voit grave hein, dans le petit livret qui est agrafé, on voit, il y a une page avec grave, on voit deux photos. Est-ce qu'on peut décrire, raconter, expliquer ce qu'on voit là, Général Arnaud ? Oui, donc grave est un système de détection d'objets en orbite. Il couvre une zone qui va jusqu'à peu près 1000 km d'altitude. C'est un radar qui est dit bistatique. Bistatique parce que le site des antennes d'émission est dissocié du site des antennes de réception. Donc sur l'image, sur les deux photos, vous avez en bas les antennes d'émission qui sont situées à Broye-les-Pemmes, à l'est de Dijon. Et sur la photo du haut, vous avez les antennes de réception qui sont situées sur le plateau d'Albion. Donc c'est l'onde radar, hein. On envoie une onde radar. Donc on envoie une onde radar avec les antennes d'émission. L'onde radar est réfléchie par les objets en orbite, les satellites entre autres, et est reçue par les antennes de réception sur le plateau d'Albion. Il y a un traitement qui est fait de ces ondes et on détermine l'orbite de manière relativement précise, des objets qui ont été détectés. Et on établit avec ce système un catalogue d'objets qui est en permanence entretenu, parce que tous les objets, comme ils tournent autour de la Terre, ils repassent régulièrement dans la zone de détection du radar, et à chaque fois qu'ils sont détectés par le radar, eh bien on recalcule l'orbite. Ça, c'est le système de détection. Une fois qu'on a une orbite un peu dégrossie par ce système... Ça, on l'a depuis quoi 5 ans, quelque chose comme ça ? Oh non, ça. Un peu plus que 5 ans. Une petite dizaine d'années. C'est une petite dizaine d'années avec un usage opérationnel effectivement très poussé depuis à peu près 5 ans. Mais on dispose du satellite, c'était un développement exploratoire, un système expérimental qui a maintenant un usage opérationnel. Et donc à partir de ces orbites-là, bien, on établit ce catalogue. Et avec des radars de trajectographie un peu plus précis, on va améliorer la précision de l'orbite, de la connaissance de l'orbite. Donc on dispose pour ça en France également de 3 satellites de trajectographie qui sont en fait des radars qui étaient... Des radars qui étaient auparavant dédiés au champ de tir pour faire de la trajectographie des bombes. Et il se trouve que ces systèmes ont une capacité de trajectographie sur des objets en orbite basse. Et donc on les utilise également pour ça. Pour l'identification, c'est plus délicat. On peut utiliser éventuellement des radars. Qu'est-ce que vous appelez l'identification ? C'est-à-dire déterminer à peu près la nature du satellite. C'est ça. Au moins sa forme. Ça renseigne sur... Voilà. Donc là, pour ce faire, on ne dispose pas de moyens nationaux propres. On travaille en coopération avec les Allemands, qui, eux, disposent d'un radar qui auparavant était assez dédié à des expériences scientifiques, qui fait à la fois de la trajectographie et de l'imagerie radar. Et donc, on voit l'image radar du satellite. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose, Général de Recoy ? Ça, d'accord. Parfait. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on va voir. On va essayer, allez. Lance-toi, Raphaël. Il faut de l'extrêmement haute résolution pour dire quelle est la marque d'un camion. Je dis oui, d'accord, mais bon, je fais de même de la fenêtre de ma maison. De la basse altitude de mon logis, je me dis pourquoi tant de techno, tant de technologie. On envoie des satellites très très haut pour balayer le sol avec un pinceau, sans aller jusqu'à dire que c'est sot. Moi je nettoierai tout ça avec une serpillière et un seau. De la basse altitude de mon logis, je me dis pourquoi tant de techno, tant de technologie. On crée même des orbites cimetières. C'est ça, j'ai bien compris, des orbites cimetières. C'est ça. On crée même des orbites cimetières. Pourquoi pas des orbites hôpitaux ou vestiaires? Moi, pour saluer mon arrière-arrière-grand-mère, il me suffit d'une paire de rollers. De la basse altitude de mon logis, je me dis pourquoi tant de techno, tant de technologie. De la basse altitude de mon logis, je me dis pourquoi tant de techno, tant de technologie. Excuse-nous, Raphaël, il n'y a que toi qui n'as pas compris pourquoi il faut autant de technologie. Hein. Bon. Enfin, c'est pas grave. D'autres interventions, questions, à moins qu'on continue à feuilleter notre document relié. Madame, et puis ensuite on va peut-être continuer à feuilleter. Il semblerait que l'homme soit pollueur, en fait. Il a pollué sa propre planète, les airs. Son sous-sol avec les déchets nucléaires, les rivières, les océans, ça ne lui suffit pas. On s'aperçoit qu'il va maintenant polluer l'espace avec ses débris qui tournent, qui sont dangereux, puisque vous avez parlé de la station spatiale qui même reçoit des objets. Où ça va s'arrêter, un peu de philosophie, là ça mène à quoi tout ça, toute cette pollution maintenant, polluer l'espace? Alors, je vais pas me lancer dans la philosophie parce que c'est pas mon truc. C'est vrai que cette pollution, c'est l'envers de tout le progrès que nous offrent les satellites. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir le progrès et de diminuer la pollution. Et c'est ce à quoi on s'attache maintenant que, je veux dire, au début, on se rend pas compte. La première fois, parce qu'en fait, ça date de quand ? Ça date de 1961, la première fois que les Russes ont envoyé Spoutnik autour de la Terre. 57, oui. 61, c'est Gagarine. C'est Gagarine. Donc 57. Donc ça fait relativement, c'est relativement récent. Et puis, c'est vrai que l'accroissement de l'activité... des accidents, entre guillemets, comme ceux du satellite chinois et de Cosmo et Iridium ont accru. Alors aujourd'hui, quelles sont les mesures? Les mesures, ça va être, et c'est des réglementations qui ont été prises au niveau français d'abord et maintenant international, c'est de diminuer les conséquences d'un incident. Ça veut dire de pouvoir faire descendre tous les objets qui peuvent être pilotés, les faire descendre le plus rapidement possible, mais à la vitesse à laquelle on peut le faire. Au moment de leur fin de vie, hein, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, à leur fin de vie, ou même les étages des lanceurs. Oui. Parce que quand vous lancez un satellite, eh ben, il y a des étages qui restent en orbite, et donc eh bien, les nouveaux développements des lanceurs, les nouveaux développements des satellites, c'est d'appliquer ces règles-là pour que l'on fasse décroître le nombre de gros objets. Parce que ce sont les gros objets qui risquent d'amener des catastrophes. Ça veut dire de faire... De taper, nombreux débris, ouais. C'est-à-dire que si vous avez un gros objet qui tombe, un gros objet, ça fait un événement catastrophique. Donc, multiplier énormément. Donc, on les fait descendre rapidement, mais rapidement, ça veut dire en 25 ans, quand même. Mais parce que il faut se rendre compte, faire monter un objet à une altitude de 800 km, pour le faire descendre, il vous faut pratiquement la même énergie que pour le faire monter. Il faut lui faire perdre, il faut lui donner des capacités de freinage, si je peux m'exprimer ainsi, équivalentes à ses capacités d'accélération. Donc il faut que vous ayez énormément d'ergol. Et donc, ça, on peut pas. Donc l'objet, c'est de le faire rentrer dans la spirale descendante. Alors, il y a énormément de techniques qui sont étudiées. La première, c'est de donner les coups de frein avec le reste d'ergol et le faire descendre comme ça. Mais il y a également la possibilité de déployer une aile. Ça, c'est à l'étude. Et même si cette aile, elle ne freinera pas comme un parachute. Une voile, hein. Voilà. une voile qui va voilà. se freiner, du coup ça va freiner dans l'atmosphère. Et les, enfin, les de, développements. Les restes d'atmosphère qui sont en. Exactement. En et plus vous êtes bas, plus ça va freiner. Donc, mais c'est rentrer dans cette spirale descendante. Et de même, pour le lanceur Ariane 6, le successeur d'Ariane 5, eh bien, les développements, c'est de désorbiter les troisième étages, qui en ce moment, il n'y a pas, c'est pas comme ça que c'est prévu. Initialement, il n'y avait pas ces soucis-là, et quand on a développé Ariane 5, eh bien, il y a les troisième étages qui continuent à se promener dans l'espace. Donc, on essaye, on prend aujourd'hui, et c'est, tout le monde a la même préoccupation que vous, pas forcément sur le côté philosophique, parce que si jamais demain, il y a trop de débris dans l'espace, on ne pourra plus utiliser l'espace. Et alors, toutes ces avancées. Alors, pas forcément d'espace au sens large, mais certaines orbites. Certaines orbites, vous avez raison. Par exemple, à 800 km, là où il y a eu le choc. Ouais, mais c'est pas de chance, c'est justement là. Oui. C'est justement ces orbites-là qu'on utilise. Le plus. Pour faire de l'observation pour la défense, mais c'est également pour faire de la météorologie, de la scénographie, de la cartographie, toutes des choses qui sont utiles pour l'activité humaine. Absolument. Alors, ce qu'on peut dire à madame, c'est que, effectivement, on s'en occupe. D'abord, toute activité humaine crée de la pollution, une forme de pollution, et puis voilà, en tout cas, on s'en occupe. Alors, on va continuer. J'ai bien vu que vous aviez une question, cher monsieur. Oui, on va quand même poursuivre. Et je reviens à vous ensuite avec. Alors, il y a sa troisième page, hein. Qu'on va passer, donc on voit effectivement oui, elle illustre juste en 3D la capacité de faire des prises de vue stéréoscopiques avec Pléiade et donc d'en tirer des images en trois dimensions qui pourraient être utiles pour le déploiement des forces sur les théâtres d'opération. Parce qu'encore une fois, c'est l'agilité, donc je peux regarder moi Pléiade, je peux regarder ce vers quoi je vais, au-dessus de quoi je vais passer. Et ensuite, une fois que je suis passé au-dessus, je peux regarder en arrière ce que j'ai vu. Tout à fait, et sur donc, une même passe. Voilà, sur une même passe. Donc, j'ai finalement, c'est comme si avec deux yeux, finalement, je regardais un même exactement. Objet. On a et donc, deux je peux reconstituer en 3D l'objet en question. On a deux prises de vue de la même scène, sous deux angles différents, ce qui donne une prise de vue stéréoscopique et donc la possibilité d'en déduire une image en trois dimensions. Quel intérêt pour la défense de reconstituer une ville en 3D ou ce genre de choses? Alors, ça peut servir pour la préparation des missions, ça peut servir pour les forces qui sont engagées sur un théâtre qui n'est pas très connu, où on dispose juste de cartes assez sommaires. Leur donner une image, une visualisation vraiment de ce qu'ils vont rencontrer en opération, c'est extrêmement utile, en particulier pour les forces spéciales. Ça peut être également utile pour tirer des modèles trois dimensions des terrains qui vont être ensuite intégrés dans les systèmes d'armes des avions ou des missiles qui vont leur permettre de faire du suivi de terrain automatique, donc pour le Rafale en particulier, ou du Mirage 2000D, on est capable de rentrer le fichier du terrain en trois dimensions pour faire du suivi de terrain automatique. Oui, le suivi de terrain automatique, pour expliquer rapidement ce que ça veut dire vous êtes de nuit, vous êtes dans les nuages, vous voyez rien du tout devant, mais votre avion, il passe au-dessus du terrain parce qu'il connaît sa position et il sait à quelle hauteur se trouve le terrain au-dessus de lui et juste devant lui. Et donc, il y a besoin pour ça d'avoir le modèle numérique de terrain. Ça veut dire qu'à chaque coordonnée, on est également l'altitude de chaque point. Et on rentre ça dans la mémoire. Aussi bien, comme dit le général Arnaud, pour les avions, mais également, c'est important, si jamais on veut faire des tirs de missiles de croisière, parce qu'on a comme ça exactement la position où on peut tirer le missile de croisière. Alors, on va regarder la page suivante, qui s'intitule « Discriminer, structure végétale et synthétique oui. ». Alors, on voit que c'est effectivement Pléiade, on a la photo en haut à droite, et on a deux photos, une photo à gauche, une photo à droite, on voit que c'est la même scène, comme vous dites. C'est la même scène. Donc Pléiade travaille en optique, en visible, et travaille également en proche infrarouge. Et sur la photo de gauche, donc c'est une photo d'un stade de football américain aux États-Unis, sur lequel ont été utilisées les trois voies classiques du visible, rouge, vert et bleu. Sur la photo de droite, c'est exactement la même scène, sauf qu'on a intégré la voie du proche infrarouge. Et vous voyez que la végétation qui était verte à gauche ressort rouge à droite. Sauf que le terrain de foot, il reste vert. Pourquoi reste-t-il vert? C'est parce que c'est de la pelouse synthétique. Ce qui vous permet, avec le proche infrarouge, de distinguer certaines matières de camouflage que vous ne pourriez pas distinguer dans le visible. On peut distinguer certaines matières de camouflage avec cette capacité-là. Bon, voilà qui est tout à fait parlant. On va tourner encore une page, et puis ensuite je vous ferai passer, hein, bon, on aura passé trois pages comme ça, et puis vous pourrez faire passer le petit livret pour que certaines personnes qui n'ont pas vu ces images puissent les voir. Donc c'est une page qui s'intitule « De jour comme de nuit », oui. Et c'est Hélios, là, qu'on donc essaie d'illustrer. Comme je le disais, Hélios travaille dans le visible, mais travaille également dans l'infrarouge, dont détecte la chaleur qui est émise par le sol. Donc, est capable de prendre des prises de vue de jour comme de nuit. Et de nuit, ben, vous avez une illustration d'une scène, prise de nuit, où vous pouvez distinguer les formes, les bâtiments, vous pouvez distinguer alors pour également... Pour ceux qui ne voient pas l'image, effectivement, hein, c'est... effectivement, on voit un grand bâtiment, voilà, un à grand la fois hangar, bleu et vert. Grand et devant le grand hangar sont stationnés des chars. Alors, les chars, ils sont de quelle couleur, là? Alors, justement, vous avez des chars qui sont... On les voit en bas, on voit leur canon, hein, qui est tourné vers le bas de l'image. Donc, déjà, vous pouvez détecter les objets. Mais en plus, la signature infrarouge de ces objets va vous donner une information sur leur activité. Vous voyez sur la ligne de chars qui est tout en bas, des chars qui sont sombres, ils sont froids, et vous voyez un char... Il y a une tache rouge. Celui qui est complètement à gauche. Celui qui est complètement à gauche. Pourquoi a-t-il une tache rouge? C'est parce qu'il vient d'être mis en service. Son moteur est chaud. Et donc, il émet plus que les autres dans l'infrarouge. Et donc, vous pouvez en déduire qu'il a eu une activité récente. D'accord. Très bien. Alors, on voit aussi une tache rouge très forte là, sur la droite. Ça ressemble à un bâtiment, c'est... Donc c'est un bâtiment, alors ça je ne vous donnerai pas l'interprétation photo que ça. Non mais ce qu'on peut dire... C'est secret. C'est secret. Non mais on peut effectivement détecter des activités particulières, des bâtiments là, qui là, sont froids, des rayonne, bâtiments... Donc il rayonne, tout donc il dégage de la chaleur celui-là. Et en même temps, le bâtiment, le grand bâtiment qui est vert et bleu, plus vers la partie haute, lui ne dégage pas de chaleur. Alors il dégage pas de chaleur, sauf que certaines de ses portes doivent être ouvertes, parce qu'on voit un rayonnement qui est issu de l'intérieur. Voilà. On voit quand même la chaleur qui sort du bâtiment par les portes et par les fenêtres. Et on voit aussi sur le chemin, ou sur le côté du chemin, des taches un peu rouges. Ça veut dire que là, ces choses-là, là, par exemple, là, c'est quoi? C'est un véhicule qui a pu passer? On ne sait pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Très bien. Bon. Voilà, ceux qui ont eu la chance d'avoir le petit livret, est-ce que vous pouvez le faire circuler pour que d'autres personnes puissent voir, elles aussi, toutes ces images? C'était la 3D, là maintenant l'infrarouge avec ce char là complètement à gauche qui est qui a eu une activité récente. Pendant que vous faites le petit gymkhana, il y avait une personne qui voulait poser une question, monsieur. Oui, bonjour, c'était plus une remarque, une question à propos des débris spatiaux dont on parlait tout à l'heure. Pour faire partager ce que j'ai appris la semaine dernière lors d'une conférence de Christophe Bonal, donc qui est expert du CNES sur les débris spatiaux, et qui met en garde justement contre l'utilisation du mot pollution pour parler de l'espace. Parce que même s'il fait beaucoup de conférences pour parler des dangers des débris spatiaux, il raconte que quand on fait le rapport de masse sur les 7000 tonnes de déchets et l'espace qu'il y a autour, c'est à peu près le même rapport massique que deux canettes de Coca-Cola dans l'océan, dans la mer Méditerranée. Donc il souligne le fait que l'utilisation du mot pollution n'est pas vraiment adaptée, que le vrai danger est celui des collisions et non pas d'une pollution de l'espace au sens où on l'utilise sur Terre. L'espace n'est pas saturé d'objets. Hein, non, la seule chose, c'est que les canettes, elles vont très vite, là. Hein. Donc, et si jamais elles se rentrent l'une dans l'autre, c'est vrai que le terme de pollution, mais c'est vrai que pour les spécialistes, on parle pas de pollution de la même manière qu'on ne parle pas de déchets, mais de débris. Mais les risques existent. La seule chose, c'est que la probabilité est relativement faible. Vous avez raison. Mais ceci dit, les conséquences de l'événement seraient très importantes pour l'humanité, parce que, enfin, plutôt pour la société, pas pour l'humanité, ça mettrait pas en péril la vie des gens. La question n'est pas là, mais ça changerait notre mode de vie. Ça changerait notre mode de vie. On se perdrait quand on va chez le cousin qui habite en province parce qu'on n'a pas son GPS. On n'aurait pas les informations avec la télévision directement. Il y a toutes ces choses qui sont notre vie quotidienne et dont on ne s'imagine pas qu'elles dépendent de satellites. Mais tout de même, effectivement, l'idée de pollution pourrait laisser entendre qu'il y a une saturation de l'espace. Ce n'est pas du tout le cas. L'espace reste extraordinairement vide. Seulement, il y a quand même des objets à l'intérieur, dans cet espace, qui vont très vite et qui posent de graves problèmes. D'autres interventions ? Monsieur, qui n'a pas encore eu la parole. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, on a parlé de 900 photos jour sur vos satellites. Je voulais savoir combien de temps vous les stockiez. Et la deuxième question, c'était un ordre d'idée des coûts d'un satellite. Des coûts d'un satellite. Alors, sur la durée de stockage, pour l'instant, on les stocke tous. Toutes les images sont stockées, sont gardées. Depuis l'existence de nos satellites d'observation. Et effectivement, ça va commencer à nous poser des problèmes. Parce que sur les satellites Helios qui prenaient quelques images par jour, ça commence un peu à remplir les mémoires. Mais quand on en est à 900 images par jour, même si pour la défense on n'en utilise que 40 par jour, ça commence quand même à poser des problèmes. Parce que là, on commence à raisonner non pas en gigaoctets, mais en pétaoctets de données. Alors, effectivement, ça pose des problèmes techniques de conservation. Ça pose des problèmes techniques également d'exploitation, parce que stocker des images pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, va poser des problèmes à terme pour être capable de les relire. Les systèmes d'exploitation évoluant, les formats pouvant éventuellement évoluer, on a les mêmes problèmes sur ces données qui sont des données informatiques que ce qu'on a aujourd'hui dans le grand public avec les données informatiques usuelles. Donc on est en train d'étudier ce qu'il faut conserver, comment le conserver et combien ça va coûter. Pour ce qui concerne le coût des systèmes, je vous donne un ordre de grandeur. Le système CSO, donc les deux satellites, c'est plus du milliard d'euros. L'ensemble, les deux satellites. Les deux satellites. Lancement compris. C'est plus du milliard d'euros. Le segment sol. Tout. Les deux systèmes. Les deux satellites. L'ensemble au milliard. Le lancement des deux satellites. Les segments sol de contrôle. Les segments sol utilisateurs. J'ai une question qui concerne la transmission des ordres aux satellites concernant l'orbite, l'attitude et la partie ordre, disons, électronique en général. Alors, quelle est votre question exactement ? Oui, enfin, je vois la question. D'accord. Donc, je vais aller directement à la réponse. Quelle est la bande de fréquence utilisée ? Alors là, je ne sais pas. Si c'est c'est de la bande X, si ça vous dit quelque chose. Eh ben alors, c'est pas grave, c'est quand même ça. Les satellites, en fait, les ordres pour prendre des images, c'est la défense qui choisit. Il fait un plan de travail pour les jours à venir. Il y a un travail ensuite qui est réalisé avec les partenaires, parce que la défense, en particulier sur Helios, à des partenaires qui sont l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Belgique. Et donc, il y a finalement ce plan qui est décidé par les défenses. Et ce plan arrive au CNES, à Toulouse, et nous sommes les opérateurs du satellite. Ça veut dire que à la fois, on pilote la plateforme, ça veut dire l'objet, pour qu'il soit toujours sur l'orbite, le remonter quand il faut le faire remonter, le faire orienter, suivre l'état de la plateforme. Et également, on rentre à l'intérieur le programme de mission. Ça veut dire qu'on lui dit, à tel moment, tu vas aller regarder tel endroit pour aller prendre telle image. Et puis, ensuite, ça c'est ce qu'on appelle la télécommande. Et ensuite, ça redescend. Mais là, ça descend directement à la défense, ça descend à Creil. Et c'est ce qu'on appelle la télémesure. Ça veut dire que le satellite qui a emmagasiné dans sa mémoire toutes les images qu'il a prises, il recrache, si je puis m'exprimer ainsi, toutes ces données sur les récepteurs qui sont à Creil, et donc on récupère comme ça les images. Ça vous fait des sujets de chansons, ça, hein, ça crache, ça, machin. On va voir si ça lui en fait. Il a son petit œil allumé là. Hélios voit les infrarouges. Il voit tout ce qui vit, il voit tout ce qui bouge. Hélios est un coquin finalement, quand on se dit qu'il peut voir sous les vêtements. Hélios voit les infrarouges. Il voit tout ce qui vit, il voit tout ce qui bouge. 900 photos par jour, c'est pas de la bagatelle. On peut parler de névrose obsessionnelle. Hélios voit les infrarouges. Il voit tout ce qui vit, voit tout ce qui bouge. C'est comme une sorte de Terminator en orbite. Oula, oula, je crains le pire. Excuse-moi. Hélios a vraiment une grande capacité visuelle. Ouf. Bravo. Ben, à quoi tu pensais? Merci. Il y avait un chanteur qui a chanté par erreur, avec une intention bien bonne, que l'espace n'était à personne. À présent, bim bam boum, il fait son erratum. Et d'une inspiration féconde, il chante que l'espace est à tout le monde. L'espace est à tout le monde. Aux bruns, aux roux, aux blondes, naviguons dans les ondes interstellaires de la nuit profonde. L'espace est aux parents autant qu'à leur enfant. Il est aux amoureux autant qu'aux célibataires heureux. C'est une chance pour l'humanité, c'est l'infini en communauté. Comme chez vous, vous pouvez vous y promener, du moins si vous avez les moyens d'y aller. L'espace est à tout le monde, aux bruns, aux roux, aux blondes. Naviguons dans les ondes interstellaires de la nuit. Raphaël. Merci. C'est bon. Quelques dernières interventions peut-être. Juste avant la fin, est-ce qu'on pourrait parler du satellite Athéna Fidus? Athéna Fidus, qui vient d'être lancé il y a 15 jours, ça va nous permettre de parler encore d'un autre segment, si je puis dire. On a parlé du ROIM, du ROEM, et puis il y a les SATCOM, les satellites de télécommunication. Les satellites de communication, oui, exactement. C'est un satellite donc qui a été lancé il y a 15 jours à peu près, qui est un satellite franco-italien, c'est-à-dire qu'on l'a fabriqué en coopération avec nos amis italiens, et qui a été fabriqué à la fois par les agences spatiales et par les ministères de la Défense. Il a des capacités... Alors, les satellites et les communications spatiales, il y a trois types. Il y a la communication commerciale, il y a la communication gouvernementale et la communication défense. La communication défense, il faut qu'elle soit protégée et anti-brouillée. La communication gouvernementale... Alors, protégée, qu'est-ce que ça veut dire? J'y arrive. Pardon. Voilà. Et la communication gouvernementale, elle est protégée, fortement protégée, et la communication commerciale, elle est simplement un peu protégée, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est protégé, qu'est-ce que c'est anti-brouillé? La protection, c'est empêcher que des gens viennent sur vos fréquences. Ça veut dire être capable... Et écouter ou les occuper? Les occuper, les écouter, les occuper, c'est cette, justement cette possibilité d'être... vous pouvez travailler, mais il y a quelqu'un qui vient à votre place, qui vous empêche de travailler. L'anti-brouillage, c'est... Donc là, je suis protégé. Je suis protégé. Oui. Mais c'est important d'être protégé également pour les commerciaux. Si vous voulez, les banques, par exemple, qui font passer leurs informations à travers des communications satellitaires, n'ont aucune envie que des gens puissent venir écouter ce qui s'y passe. Donc là, c'est du cryptage, c'est quoi exactement? C'est du cryptage. Donc exactement. La protection, c'est du cryptage. C'est du cryptage. On ne peut pas savoir ce que je suis en train de dire. Exactement. D'accord. Alors que l'anti-brouillage, c'est d'être capable de travailler alors que quelqu'un veut vous en empêcher à côté. Mais le brouillage, l'acte de brouillage, c'est un acte qui n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui est un acte pratiquement de guerre. Oui, c'est de la nuisance, là. On cherche à me nuire. C'est plus que de la nuisance. Ça veut dire, c'est vraiment empêcher les gens, les empêcher de travailler, et puis la protection également contre des impulsions électromagnétiques. Donc c'est vraiment une très forte impulsion. Alors, cette haute capacité, c'est tenu par les satellites Syracuse, qui sont détenus par la Défense. À la fois crypté et anti-brouillé. Exactement. Le satellite... Ça, c'est les Syracuse, il y en a combien? Deux? Il y en a deux. Il y en a deux, c'est ça. Des satellites. Et puis, Athena Fidus, donc c'est protection, les satellites de communication gouvernementale. Et là... Donc c'est crypté? C'est simplement crypté. Mais ça pas veut dire anti-brouillé. Mais c'est pas anti-brouillé. Et puis, bah, le reste, la Défense utilise également des satellites commerciaux qui sont moins protégés, mais suffisamment protégés. Par exemple, simplement, quand il y a des communications, j'allais dire banales, à passer entre les théâtres d'opération et la métropole, il suffit d'avoir des satellites peu brouillés, peu protégés peu protégés. Alors que la Athena Fidus, par exemple, ça pourrait servir pour piloter les drones. Les drones qui aujourd'hui font partie de la panoplie, eh bien, il faut leur donner des ordres en permanence et récupérer les informations qu'ils arrivent à obtenir. Et pour récupérer ces informations et donner des ordres de loin, eh bien, il n'y a que les communications satellitaires qui peuvent le faire. Et c'est ce genre de satellites gouvernementaux, Athena Fidus, qui pourra répondre à ce besoin. Et l'intérêt d'un Athena Fidus, par exemple, c'est qu'on peut avoir des débits qui sont relativement plus importants qu'avec un Syracuse. Forcément. Ouais. Plus vous avez de protection, moins vous avez de débit. C'est quelque chose qui est assez naturel. Vous mettez des systèmes pour vous protéger, eh bien, forcément, ça, vous avez moins de débit que sur un satellite qui est moins protégé. Qui voudrait s'exprimer pour la fin de notre débat? Pas de regrets? Peut-être sur Twitter, quelqu'un voudrait s'exprimer. Juste une petite question Twitter, Deli BDU. Est-ce qu'on pourrait utiliser un satellite pour brouiller une communication? Voilà. Alors, je te laisserai la parole après si tu veux pour. Mais on pourrait utiliser un satellite pour brouiller une communication. Mais vous avouerez quand même que c'est beaucoup plus simple de brouiller du sol. Parce que vous avez pas de problème de puissance, vous pouvez mettre plus facilement embarquer de la puissance, le mettre sur un engin qui est au sol, plutôt parce que du brouillage, c'est envoyer de la puissance sur le satellite d'à côté. Et donc pour avoir de la puissance, il faut en disposer à bord. Et c'est quand même beaucoup plus facile de brouiller à partir d'un instrument qui est au sol que d'un instrument qui est à bord. Général Arnoux, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Non, pas grand-chose, juste que donc ces satellites de communication qui sont sur l'orbite géostationnaire sont effectivement des satellites d'intérêt et qu'on sait qu'il peut y avoir quelques autres satellites, alors pas forcément destinés à brouiller immédiatement, mais qui se rapprochent, qui dérivent un peu sur cette orbite géostationnaire et puis qui se rapprochent de certains satellites de télécommunication. Donc on a des satellites, qui se promènent sur l'orbite géostationnaire, qui ne restent pas à la même place. Qui sont contrôlés, ouais. Qui se promènent sur l'orbite géostationnaire et puis qui vont butiner les autres satellites de télécommunication. Un peu butiner, comme qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils vont se rapprocher un peu et puis ouais. ils vont l'observer, ils vont écouter un peu ce qui se passe. Ils vont voir à quoi ils ressemblent. Voilà, donc c'est pour ça et que... Et ils vont écouter. Et ils vont éventuellement écouter, si c'est possible, ce qui se passe. Donc, ils peuvent intercepter, sauf que normalement c'est crypté. Alors, voilà, sauf donc, d'où l'intérêt, comme le disait le général de Roquefeuille, de bien protéger nos communications, de bien les crypter, d'être protégé contre le brouillage. Et quand on dit que c'est crypté, c'est-à-dire que c'est effectivement crypté, c'est-à-dire que la NSA, dont on a entendu tellement parler, ne sait rien de ce que... Je ne me prononcerai pas. Non, ce que je veux dire... très bien, très bien. Bon. Monsieur, vous vouliez ajouter un mot. Oui, mon général, ma question est plus d'intérêt politique que d'intérêt technique. Nous avons bien tous compris tout l'intérêt stratégique, opératif, tactique de la fonction ROIM et notamment en passant par les satellites. Dans le contexte budgétaire actuel et notamment des restrictions du ministère de la Défense, est-ce que la fonction ROIM va être impactée? Parce que ça voudrait dire que on deviendrait beaucoup plus vulnérable. Je sais que ma question est un peu difficile parce que vous avez un devoir de réserve, mais enfin, je vous remercie. ROIM, c'est les images, hein, c'est oui. L'observation. Donc la fonction observation spatiale n'est absolument pas impactée par les contraintes budgétaires dont nous disposons. Avant la loi de programmation militaire qui a été votée en décembre, il était prévu de lancer les deux satellites CSO MUSIS que j'ai mentionnés. Ces deux satellites sont préservés et leur développement est préservé et ils sont toujours prévus d'être lancés en 2017 et en 2018. Donc il n'y a pas d'impact sur le ROIM du fait de ces contraintes budgétaires. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ces capacités sont considérées comme des moyens essentiels pour notre souveraineté nationale. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a réaffirmé l'importance de cette souveraineté. Donc les capacités qui sont nécessaires à cette souveraineté sont préservées. De manière générale, je dirais que dans ce contexte budgétaire effectivement très contraint, l'espace militaire est relativement préservé parce que ces éléments, comme je le disais, sont nécessaires à notre souveraineté, sont nécessaires à notre autonomie d'appréciation de situation, à notre autonomie de décision et à notre autonomie d'action. Et tous ces éléments ont été réaffirmés très clairement. Donc vous êtes un général heureux. Vous demande-t-on. Je pense qu'on peut être moins heureux que moi, oui. D'accord, bon. On va peut-être continuer à feuilleter quelques pages du document. Là, on a... c'est la page d'après, je crois. Hein, c'est... Oui. Voilà, on est à la page qui s'intitule « Par tous les temps ». Merci beaucoup, encore une fois, de faire circuler ce livret avec... qui est une spirale noire. Voilà. « Par tous les temps », avec encore deux images. Hélios à gauche et Sarloupe à droite, qui est allemand, ou un drapeau allemand avec Sarloupe, oui. Et Cosmo SkyMed, qui est italien, pardon. Alors effectivement, parce que quand on travaille, on a beaucoup parlé de visible et d'infrarouge, d'optique. Quand on travaille dans le visible ou dans l'infrarouge, on ne traverse pas les nuages. Or, malheureusement, on peut intervenir, on peut chercher des informations sur des zones où il y a souvent des nuages. Donc dans ce cas-là, on utilise un système d'observation qui n'est pas un système optique, mais un système radar. C'est-à-dire que c'est un émetteur radar qui émet une onde radar sur le sol. Le sol réfléchit l'onde radar, elle est réfléchie vers le satellite qui la reçoit, qui l'analyse et qui donne une image radar. Alors en France, on ne dispose pas de moyens nationaux de satellites radar. En revanche, les Allemands, nos alliés allemands et italiens, en dispose. Et donc, nous effectuons une coopération avec l'Allemagne et avec l'Italie pour échanger des images optiques dont on dispose contre des images radar qu'ils nous fournissent. Donc, alors, on voit à gauche, vous voyez là donc un exemple, ouais. Effectivement, avec. Donc, c'est la même scène, encore une fois, des hangars. Et à gauche, vous avez une image optique Hélios. À droite, une image radar. Donc je ne sais pas si c'est une Cosmo SkyMed italienne ou Sarloupe allemande, peu importe, c'est à peu près la même qualité. Et ce qui est important de voir, c'est que certes, ça traverse les nuages, mais vous n'avez quand même pas la même qualité d'image. Donc il faut avoir une compétence très particulière pour interpréter ce genre d'image. Une image optique, n'importe qui regarde une photo, est capable d'analyser grossièrement une photo. On dispose quand même, pour analyser précisément une photo satellitaire, de grands spécialistes, des interprétateurs photo, parce que ça ne s'apprend pas quand même en quelques jours, pour vraiment interpréter à fond une photo. Pour interpréter une image radar, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des reflets, vous avez des réémissions, donc c'est beaucoup plus difficile à évaluer, c'est beaucoup plus difficile à interpréter, et la résolution en général est moins bonne. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image hein, devant eux, effectivement, à gauche, avec Helios, on a l'image certes en noir et blanc, mais on voit un piqué, on voit des détails, etc. À droite, c'est comme un peu flouté, hein, c'est comme passer à travers une sorte de brouillard. Donc, c'est vrai que c'est moins facile à... En revanche, outre le fait que ça traverse les nuages, donc vous pouvez prendre ça, des images comme ça, de nuit, par tous les temps, vous disposez d'informations particulières qui ne sont pas forcément disponibles sur une image optique. Vous avez des informations sur des développements verticaux, sur des antennes qui ressortent particulièrement. Et puis, vous pouvez récupérer certains types d'informations, notamment sous la canopée, sous le feuillage des arbres. Des matériels qui peuvent être camouflés sous le feuillage peuvent ressortir avec une image radar, alors que vous ne pouvez pas les voir avec une image optique. On va tourner la page. Autonomie d'appréciation / de décision, lutte contre la prolifération. Ça, ce sont des deux images, encore une fois, qui sont prises à quelques temps d'intervalle, hein, grosso modo. Quoi, plus d'un an d'intervalle entre les deux. Et racontez-nous ce qu'elles représentent, ces deux images. Alors là, donc on a vu les différents types de prises de vue qu'on était capable de faire, les capacités qui étaient à notre disposition. Et ces capacités, elles servent à quelque chose. Donc elles servent, comme je le disais, à notre autonomie d'appréciation de situation et entre autres au suivi de la prolifération des pays qui sont proliférants, qui développent une capacité à construire de l'armement nucléaire. Donc là, vous avez un site qui est pris en Iran. Vous avez deux phases de la construction de ce site. Une première phase donc intermédiaire, et puis une fois que le site est construit, eh bien, vous avez les merlons qui le recouvrent et le camouflage, et vous ne pouvez plus savoir ce qui se passe à l'intérieur. À droite, le site est camouflé. Donc il est camouflé. Disons qu'il est recouvert, d'une couche de protection de terre, de roche, etc. Alors, l'intérêt du satellite, c'est que on fait des prises de vue et on les stocke. On évoquait le stockage. On les stocke, on les garde. Et il se peut qu'on détecte une activité relativement tardivement, notamment quand le bâtiment est construit. C'est le cas de l'image à droite. Quand le bâtiment est déjà construit. Quand le bâtiment est déjà construit. Donc voilà, on va aller voir l'historique. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller voir l'historique des prises de vue sur le même lieu. Et par l'analyse des différentes photos qui sont prises à différentes dates, on va reproduire toute la structure intérieure du bâtiment. Et on va savoir à quoi il sert, ce qu'on est capable de faire à l'intérieur. On va tourner encore la page et peut-être s'arrêter sur cette page-là. Donc, autonomie d'action, suivi, ordre de bataille et activité. Et donc là, on voit une image. On va prendre l'image de gauche. Hein. Donc, on a une route. On a deux chars sur lesquels... racontez-nous un peu justement cette image-là. Avec alors là, c'est pour illustrer. Donc, on a vu une utilisation stratégique de suivi de la prolifération, de connaissances, d'anticipation. On se sert bien évidemment des satellites pour notre autonomie d'action, pour l'action de nos forces en opération et pour suivre en temps quasi réel les activités des éléments adverses ou potentiellement adverses. Donc là, vous avez un exemple. C'est une route qui est prise en Syrie. En Syrie, par Pléiade. Et sur cette route, vous avez deux chars identiques. Et là, je voulais illustrer donc le fait qu'on est capable de suivre une activité militaire, mais également l'apport de Pléiade et de la couleur. Les deux chars, ils sont identiques. Ça, c'est le même modèle. C'est le même modèle, mais ils ont deux camouflages différents. Et par l'analyse donc de cette image, l'interprétateur photo va en déduire qu'il y a un char qui appartient à la garde présidentielle et l'autre qui appartient à l'armée régulière, l'armée gouvernementale. Donc on est capable non seulement de déterminer le type du char, sa destination, mais également son unité d'appartenance. Incroyable. Donc merci infiniment, Général Arnaud, d'être venu avec ces documents, parce que c'est vrai qu'il nous montre de façon extrêmement précise, avec des exemples tout à fait particuliers, il nous démontre effectivement l'intérêt, et puis jusqu'où on peut aller dans l'étude de ces images et dans... la manière dont, effectivement, on arrive à cette autonomie de décision, d'action, etc. On va récupérer ces documents, Marie-Claude. Donc, il y en a trois de ce côté-là, est-ce qu'il y a une dernière question pour... Ah oui, sur Twitter. On a encore des tweetos qui réagissent. Une question d'Arnaud Demet. Est-ce que les satellites militaires, certains satellites militaires, sont utilisés à usage civil? Et si oui ou sinon, quelle pourrait être leur utilisation? Alors, certains satellites sont duaux, donc ils ont une utilisation à la fois militaire et civile. C'est le cas des satellites Pléiade, comme le disait le général de Roquefeuille, qui sont utilisés à la fois par la défense et par la société Airbus CIS qui fait donc des prises de vue à usage civil et qui les vend. Donc on a effectivement des satellites à usage dual. Mais je pense que c'est plutôt des satellites civils qui sont utilisés par les militaires, plutôt que l'inverse. Oui, effectivement, c'est le cas. Et parce que, bon, on a parlé beaucoup d'images, on a parlé un peu d'électromagnétique, de communication, mais il y a également tout un volet qu'on n'a pratiquement pas abordé, la météorologie. Ah oui, c'est vrai. La scénographie, la cartographie. Et ce sont toutes des capacités pour lesquelles la défense n'a pas de moyens particuliers, n'a pas de satellites particuliers. Ça veut dire qu'ils sont abonnés ou ils utilisent les services de satellites qui sont des satellites ou de services même pour la météo. La défense utilise les services de la météorologie. Ils utilisent les images de la météorologie. Donc ils n'utilisent pas directement les satellites, mais par rebond, j'allais dire, ils utilisent ça. La cartographie, c'est pareil. La défense n'a pas de satellite de cartographique, donc ils sont abonnés aux satellites Spot en particulier. Pareil pour la scénographie avec le satellite Jason. Et voilà. Donc, mais c'est pour ça qu'on peut plutôt dire l'inverse. Il n'y a pas de satellite militaire qui ait des applications défense. Il y a plutôt des civils. Il y a plutôt des satellites civils qui ont des applications militaires. J'aimerais voir Syracuse. Y a les Chinois, les Japonais et tout plein d'autres que ça n'amuse pas toutes ces infos protégées. Il est bien crypté Syracuse et ça ne risque pas de changer. Parce que si je ne m'abuse, il y a encore un peu de budget. Merci. Et bien, au terme de cette soirée, on a vu effectivement de quelle manière se déployaient les satellites et le domaine spatial au service de la défense, avec la capacité de prendre des images dans le visible, dans l'infrarouge, dans le radar, les satellites de communication, on en a parlé également, l'écoute électromagnétique, ça c'est quand même moins connu avec ce CERES qui va arriver en 2019, c'est aussi la surveillance de l'espace avec Grave. Bref, on voit avec tous ces éléments que le satellite, tout ce qui est le spatial, est une composante essentielle de la défense. Hein. On s'en est rendu compte aujourd'hui et on voit aussi qu'il y a une foule de programmes qu'on connaît pas souvent dans le grand public. C'est aussi Syracuse, justement. C'est Pléiade, bien sûr, avec des capacités toujours meilleures et de plus en plus importantes. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout cela, pour nous faire pénétrer dans ce monde-là. Merci infiniment aussi d'avoir joué le jeu, parce que voilà, c'est un peu particulier ce soir. Merci infiniment, Général Arnaud et Général de Roquefeuille, d'avoir été avec nous ce soir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.